السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فنزولا عند رغبة بعض الإخوة نلخص إن شاء الله تعالى بعض القواعد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهي خلاصة كتاب العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. بدأ المصنف رحمه الله تعالى. طيب، nous allons résumer إن شاء الله تعالى quelques règles relatives aux noms et aux attributs d'Allah سبحانه وتعالى en nous basant sur l'écrit du noble et savantissime Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, dans son livre, après avoir cité Khutbatul Haja, il nous dit rahimahullahu ta'ala: fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billah, ahadu arkanil imani billahi ta'ala, wa hiya l'imanu بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى نجيب: certes, la foi en Allah, ou plutôt la foi en les noms d'Allah et ses attributs, est l'un des piliers de la foi en Allah le Très-Haut. Et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala comprend quatre points qui sont: avoir foi en son existence, en son unicité, dans sa seigneurie, c'est-à-dire qu'Allah est le seul créateur, propriétaire, gérant et unique dans ses actions envers ses créatures. فَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَفْعَالِهِ الْخَلْقِ وَالْمُلْكِ وَالْتَدْبِيرِ جَلَّ وَعَلَى. Deuxièmement, الإيمان بربوبيته. Troisièmement, الإيمان بألوهيته, le fait d'avoir foi en son unicité, dans le culte, dans la divinité. فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة, et cela consiste à unifier Allah d'un culte sincère, adorer Allah seul sans jamais rien lui associer. Et quatrièmement, الإيمان بأسمائه وصفاته, la foi en Allah, dans ses noms et ses attributs. Et cela consiste à affirmer ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même comme nom et comme attribut. Et ça consiste également à rejeter ce qu'Allah Azza wa Jal a rejeté, ou à rejeter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, l'auteur rahimahullahu ta'ala va nous montrer l'importance de l'étude de cette science, à savoir la connaissance d'Allah Azza wa Jal à travers ses noms et à travers ses attributs. قال رحمة الله عليه: منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين. Il nous montre ici la place de l'étude des noms et des attributs d'Allah dans la religion. Premièrement, c'est un des points du tawhid. Tawhid Allah fi asma'ih wa sifatih est un des trois points du tawhid. Deuxièmement, c'est un des points des piliers de la foi, comme on vient de l'entendre. Et troisièmement, personne ne pourra adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus parfaite si ce n'est en le connaissant à travers ses noms et à travers ses attributs. فقال رحمة الله عليه: وتوحيد الله به أي أسمائه وصفاته أحد أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحد أن يتعبد لله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Dans sourate Al-A'raf, le verset 180, Allah nous dit, selon la traduction des sens de ce verset: et c'est à Allah qu'appartient les noms les plus sublimes, invoquez-le donc avec. Invoquer Allah Azza wa Jal à travers ses noms comprend deux points. Le premier point, c'est ce qu'on appelle du'a ul mas'ala. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle du'a ul ibad. Du'a ul mas'ala consiste à invoquer Allah et lui faire une demande explicite, tout en prenant le soin de mentionner dans cette demande le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ayant un rapport avec ta demande. Celui qui demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala va demander à Allah de lui pardonner et il va mentionner son nom, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, la subsistance, va lui demander, en prenant le soin de mentionner ses noms, Khayr al-Raziqin et Al-Razzaq, Na'am, et ainsi de suite. Et il demande le At-Tawba, l'accueil de son repentir, et il va dire Ya Tawwab. Il demande la miséricorde et la pitié, et il va dire Ya Rahman, Ya Rahim, et ainsi de suite. Donc tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes en citant le nom qui a un rapport avec ta demande. C'est ce qu'on appelle du'a ul mas'ala. Et c'est une grande cause pour qu'Allah exauce tes demandes et tes invocations. Et c'est un noble comportement du serviteur envers son Seigneur lors de la demande. Quant à du'a al-ibadah, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en fonction des sens de ce nom. Adorer Allah azza wa jal en fonction des sens de ses noms. Tu te repens à lui car il est accueillant au repentir. Car il est accueillant au repentir. Tu le mentionnes, l'évoques, lis le Qur'an, na'am, et fais du dhikr, car il est sami', car il entend tout, na'am, car il entend tout. Tu l'adores avec tes membres, car il voit tout, c'est le basir, et ainsi de suite. C'est ainsi que tu adores Allah à travers ses noms. Chaque nom, na'am, requiert de ta part une adoration, une servitude. En étudiant le nom, en étudiant son sens, tu vas développer de multiples adorations de par la connaissance que tu auras de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ibn Athaymin nous dit: فَدُعَوْ الْمَسْأَلَةِ أَن تُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ مَطْلُوبِكَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَكُونُ مُنَاسِبًا مِثْلَ أَن تَقُولْ يَا غَفُورْ اِغْفِرْ لِي وَيَا رَحِيمْ اِرْحَمْنِي وَيَا حَفِيظْ اِحْفَظْنِي وَنَحْوَ ذَلِكَ ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب وتذكر بلسانك لأنه السميع وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير وهكذا. Et tu vas craindre Allah Azza wa Jal en public et en privé, car tu sais qu'il est parfaitement connaisseur des choses subtiles et qu'il est parfaitement informé. Subhanahu wa ta'ala. Donc, tu sais que l'étude de cette science a la plus haute importance dans la religion. Et la noblesse de ce que tu étudies, na'am, la noblesse de la science, est en fonction de ce que tu étudies à travers cette science. Et lorsque tu étudies cette science, tu apprends à connaître Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, le Maître, ton Créateur, na'am. Donc, c'est la science la plus noble et il n'y a pas de science au-dessus de celle-ci. Aussi, c'est un des points du tawhid, la sagesse pour laquelle tu as été créé, le but de la création, de l'envoi des messagers et de la révélation des livres. Aussi, c'est un point de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure provision que tu puisses avoir dans ce bas monde et avec laquelle tu peux te rendre sur la place du jugement dernier. Ce par quoi Allah azza wa jal bénit ton bas monde, ta tombe et ton au-delà. Wallahu musta'an. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala nous cite la cause de cette épître. Il nous dit qu'il a écrit ce livre de par la place de cette science. Et aussi car les gens ont beaucoup parlé dans ce domaine, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, tantôt de par le vrai. Ça c'est les gens de Ahlus Sunnah qui se sont basés sur le Coran et la Sunnah, sur la compréhension des compagnons et de ceux qui les ont suivis avec excellence. Et tantôt les gens ont parlé dans cette matière, dans cette science, de par le faux. Ce sont les gens de l'innovation, à l'image de Al-Jahmiyya, Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira et d'autres. Et il a appelé ce livre Al-Qawa'id al-Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihi al-Husna. Donc les règles sublimes relatives aux attributs d'Allah le Très-Haut et ses noms les plus sublimes. La première règle, donc le premier chapitre, est le chapitre sur des règles relatives au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en a mentionné sept. La première, Al-Qa'idatul Ula, Asma'ullah ta'ala kulluha husna. Ay balighatun fil husn ghayatu. Et la première règle, tous les noms d'Allah sont sublimes, parfaits. C'est-à-dire qu'ils ont la perfection absolue. Comme Allah nous le dit dans le Coran, walillahil asma'ul husna. À Allah appartient les plus beaux noms. Wa dhalika li anna mutadhamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha bi wajhin min al-wujuh la ihtimalan wa la taqdira. Puis il nous dit, c'est-à-dire ces noms sont parfaits. Et ceci car ils renferment des attributs, ou plutôt ils comprennent des attributs parfaits, complets, non sujets aux imperfections, de quelque point de vue que ce soit. Donc tous les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala ont la perfection absolue. Ils ont la perfection absolue, cela car chaque nom d'Allah tabaraka wa ta'ala comprend un attribut au minimum qui est parfait, complet, non sujet à l'imperfection. Il n'y a donc pas de perfection au-dessus de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms et de ses attributs. À titre d'exemple, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy, qui signifie celui qui a la vie parfaite. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Hayy, est un nom parfait, le vivant par excellence. Ceci car Al-Hayy yatadhammanu sifatan kamilatan la naqsa fiha biwajhin min al-wujuh wa hiya al-haya. Wa hadhihi al-haya kamilatun la naqsa fiha biwajhin min al-wujuh lam tusbaq bi'adam wa lan yalhaqaha fana. Na'am, la ya'tariha naqs biwajhin min al-wujuh. فهو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون تبارك وتعالى. Parmi les exemples que nous pouvons citer, ce qu'a cité Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala lui-même, Al-Hayy, le vivant. Un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy, fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comprenant l'attribut parfait de la vie complète, la vie parfaite, celle qui n'a pas été précédée du néant, et qui ne sera pas rattrapé par la mort, la vie complète qui forcément entraîne ou forcément comprend la perfection absolue dans tous les autres attributs d'essence. Si Allah Azza wa Jal a l'attribut de la vie complète, parfaite, c'est que forcément il a la perfection absolue dans tous ses attributs d'essence. Car un défaut dans un de ses attributs d'essence aurait entraîné un défaut dans sa vie, subhanahu wa ta'ala. Et du fait qu'il a la vie complète et parfaite, c'est qu'il a la perfection absolue dans tous ses autres attributs d'essence, subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple, Al-Alim. Al-Alim, le savant. Ismullahi subhanahu wa ta'ala, Al-Alim. Yatadhammanu sifat al-ilm, al-ilm al-kamil. Le nom d'Allah Azza wa Jal, al-alim, le savant, comprend l'attribut de la science. Une science parfaite et absolue. Des choses en général et détaillées. une science qui n'a pas été précédée d'ignorance et ne sera jamais rattrapée par l'oubli, une science qui embrasse toute chose sans exception, que ce soit ses actions à lui, Jalla wa Ala, ou les actions de ses créatures. Il nous dit dans son livre, ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Sa science est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne s'égare pas ni n'oublie. Dans un autre verset dans sourate Al-An'am, le verset 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Allah Azza wa Jalla nous montre dans ce verset que la science des clés de l'invisible se trouve auprès de lui. Il sait tout ce qu'il y a sur la terre et dans la mer, et il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'il n'en ait connaissance. Subhanallah. Il n'y a pas une feuille au monde qui tombe d'un des arbres au monde sans qu'Allah Azza wa Jalla n'en ait connaissance. À chaque fois qu'il y a une feuille qui tombe, que ce soit dans notre pays ou dans un autre, que ce soit dans ce continent ou un autre, au moment où elle tombe, Allah Azza wa Jalla en a connaissance. Avant qu'elle tombe, Allah Azza wa Jalla savait qu'elle allait tomber. Et lorsqu'elle est tombée, Allah Azza wa Jalla sait qu'elle est tombée. Sa science est parfaite. Et lorsque les feuilles tombent au même moment, dans des endroits différents, d'arbres différents, Allah Azza wa Jalla le sait. Et il sait quelle feuille est tombée avant telle autre. Allahu Akbar. Ça, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui pour lequel on se prosterne, celui qu'on adore, seul sans associé, le seul qui mérite l'adoration de par la perfection absolue qu'il a dans l'ensemble de ses noms et dans l'ensemble de ses attributs subhanahu wa ta'ala. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Allah Azza wa Jalla nous dit, n'y a pas une chose qui rampe sur la terre sans que sa subsistance ne soit auprès de lui. Tout ce qu'il y a sur la terre, que ce soit les choses qui rampent, les choses qui marchent, qui galopent, les animaux, Ibn Adam, les fourmis, ce qu'il y a sur la terre, dans les mers, Allah subhanahu wa ta'ala en a connaissance. Et à chacune de ses créatures, il lui donne sa subsistance. Allahu Akbar. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Il accorde à l'ensemble sa subsistance. Donc il les connaît tous. Il sait où ils sont, ce dont ils ont besoin. Et à chacun, il attribue sa subsistance subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple, Ar-Rahman, ismun min asma'illahi ta'ala, mutadhamminun li sifati ar-Rahmah. Ar-Rahmati al-kamilati allati qala anha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lallahu arhamu bi'ibadi min hadhihi biwaladiha. La Ar-Rahmah, un des attributs d'Allah Azza wa Jal, tiré du nom Ar-Rahman et tiré du nom Ar-Rahim. La miséricorde, qu'on peut traduire également par la pitié. Allah Azza wa Jal a plus de pitié et de miséricorde envers ses serviteurs que la femme en a envers son enfant. La miséricorde qu'a la femme envers son enfant, aussi vaste, aussi profonde qu'elle soit, elle n'englobe pas toutes les personnes et tous les enfants. Là, quant à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe l'ensemble des mondes, l'ensemble des personnes, l'ensemble des créatures. Subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans le Coran, wa rahmati wasi'at kull shay. Allahu Akbar. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Wa rahmati wasi'at kull shay. Sa miséricorde est tellement vaste qu'il lui attribue un enfant. Il lui attribue une compagne. Subhanahu wa ta'ala. Et il leur donne leur subsistance. Et il les soigne lorsqu'ils sont malades. Yad'ouna lahu al-walad wa sahiba wa yasifunahu bi sifati an-naqs wal-'ayb wa huwa yarzuquhu subhanahu wa ta'ala. Il lui attribue des attributs d'imperfection et le mentionne avec le plus grand manque de respect. Yad'ullah maghloula. Ils disent que la main d'Allah est fermée, c'est-à-dire qu'il est avare. غلت ايديهم ولعنوا بما قال بل يداهما بسوطتان Malgré tout cela, il leur donne leur subsistance. Ça, c'est un des effets de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et il leur donne la pluie, et il leur donne leur subsistance. Et comme dans la dua des anges, dans surat Ghafir, Rabbana wasi'ta ou wasi'at. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ô notre Seigneur, tu as embrassé de ta science, ou plutôt de ta miséricorde et de ta science, toutes choses. Donc, c'est le premier point. On doit savoir qu'Allah Azza wa Jal est parfait, qu'il a des noms parfaits, car ils comprennent des attributs qui eux-mêmes sont parfaits. Et une subtilité que nous cite l'auteur, il nous dit que chaque nom est parfait en lui-même. Mais parfois, tu peux trouver qu'on mentionne un nom et à côté de lui, on en mentionne un autre. Ils sont donc juxtaposés. Et de cela, on va tirer une autre perfection. La perfection du premier nom, de par ses attributs parfaits. La perfection du deuxième nom, de par ses attributs parfaits. Mais une troisième perfection, en ayant mentionné le premier nom à côté du deuxième, qui ne nous serait pas apparu sans cela. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa huwa al-aziz al-hakim. C'est lui le puissant, c'est lui le sage. Le fait de les avoir mentionnés ensemble, comme c'est souvent le cas dans le Coran, nous montre qu'il est puissant, mais en même temps il est sage. Cette puissance ne va donc pas donner lieu à des injustices, car c'est une puissance qui est avec une sagesse. Il est sage, naam, mais il est aussi puissant. C'est donc une sagesse, mais qui ne sera pas sujette à l'imperfection et l'incapacité de mettre en pratique, ou plutôt de mettre de faire en sorte que se réalise cette sagesse. Contrairement à certains puissants de ce bas monde, de par leur puissance, ils transgressent, ils oppriment. Ils transgressent et ils oppriment. Mais Allah Azza wa Jal, lui, le puissant par excellence, il est puissant, mais il est également hakim, il est également sage. Subhanahu wa ta'ala, il n'y a donc pas d'injustice. Et tu peux trouver des gens qui sont sages et qui ont le savoir, mais n'arrivent pas à faire appliquer cela, car ils sont sages, mais ils n'ont pas la puissance. Quand Allah Azza wa Jal, lui, il est sage et il est puissant. Il est sage et il est aussi puissant. Donc c'est une sagesse qui n'est pas sujette à quoi ? À l'humiliation ou l'avilissement et le rabaissement. Voici pour cette première règle, on retiendra qu'Allah Azza wa Jal est parfait, il a la perfection absolue dans tous ses noms, car ils comprennent des attributs qui sont eux-mêmes parfaits. القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des noms propres et sont aussi des attributs. Ils sont des noms propres du point de vue de son essence. Du point de vue de son essence. Donc lorsque tu mentionnes Allah, que tu dises Allah, ou bien que tu dises Ar-Rahman, ou bien que tu dises Al-Aziz, ou bien que tu dises Al-Jabbar, tous ces noms-là font référence au même qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont donc des noms propres car ça fait référence à Allah Azza wa Jal lui-même. Et ce sont également des attributs du point de vue du sens. Du point de vue du sens et des attributs renfermés dans chacun des noms. Na'am. Si on prend le sens, ça ne fera pas référence au même nom. Na'am. Mais chaque attribut aura un lien avec ce nom. C'est l'attribut de ce nom. Il sera donc en adéquation avec ce nom. Et de ce point de vue-là, ils auront des sens différents. Le sens de Ar-Rahman dans le nom Ar-Rahman et le sens de Al-Izzah dans le nom Al-Aziz et le sens de l'attribut Al-Hukm wal-Hikmah des attributs de Al-Hukm et de Al-Hikmah dans le nom Allah Al-Hakim sont différents. Ils sont différents. Donc, de chaque nom, on tire un attribut au minimum. Et il a un sens particulier en rapport avec ce nom. Asma'ullah ta'ala a'lam bi'i'tibar dalalatiha 'ala adh-dhat wa awsaf bi'i'tibar ma dallat 'alayhi min al-ma'ani wa hiya bi'i'tibar al-awwal mutaradifatun lil-dalalati 'ala musamman wahid wa huwa Allah 'azza wa jalla wa bil-i'tibar ath-thani متباينة أي مختلفة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a de nombreux noms. Et chacun de ces noms renferme un attribut au minimum. Et lorsque tu mentionnes les noms d'Allah, quel que soit le nom mentionné, ça fait référence au même, Allah lui-même. Mais lorsque tu parles des sens et des attributs, chacun a son mada, a son sens propre. Et tous ces attributs sont les attributs du même qu'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une grande règle qu'on tire ici, c'est que chaque nom comprend un attribut. À partir de là, les savants ont su la parole erronée qu'est le fait de dire que Daha fait partie des noms d'Allah. Le temps ne fait pas partie des noms d'Allah azza wa jalla dans le hadith. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. Anaddah, je suis le temps, ne veut pas dire que le temps est un des noms d'Allah Azza wa Jal. Mais plutôt qu'Allah Azza wa Jal est le maître du temps, le gérant du temps, celui qui fait se succéder la nuit et le jour, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, le gérant du temps, celui qui fait se succéder les jours, ne peut pas être celui qui est tourné, celui qui tourne le jour et la nuit. Et ce hadith, Udin ibn Adam, est rapporté par al-Bukhari et l'imam Muslim rahmatullahi alayhima. Et en période de forte chaleur ou de grand froid, on doit se rappeler ce hadith et ce comportement à avoir envers Allah Azza wa Jal. Allah est celui qui décide s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il pleut, s'il vente, s'il neige. Et nous sommes les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et le temps est une créature d'Allah qui est soumise à Allah Azza wa Jal. Qui est soumise à Allah Azza wa Jal. Donc lorsque tu te plains du temps et que tu insultes le temps, l'insulte et la plainte revient à qui en réalité? Non, à Allah subhanahu wa ta'ala, car le temps n'est qu'une créature qui est dirigée, qui est commandée par un maître, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit retenir nos langues, et cela fait partie du tawhid et du respect d'Allah tabaraka wa ta'ala. La troisième règle: Asma'ullahi ta'ala in dallat 'ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur. Les noms d'Allah, s'ils comprennent ou nous indiquent ou font référence, s'ils font référence à un attribut dont les effets se répercutent sur ses serviteurs, il nous faudra reconnaître trois choses. Ça comprendra trois choses. Donc dès qu'il y a nom d'Allah azza wa jalla et il y a un effet qui se répercute sur la créature, tu devras reconnaître trois choses. La première, affirmer ce nom pour Allah Azza wa Jalla. Dès que tu lis un nom dans le Coran ou un sunnah, tu dois affirmer ce nom si cette sunnah est maqboul, acceptée, authentique. Ma'a maqboul. Deuxièmement, tu devras affirmer l'attribut compris dans ce nom ou les attributs compris dans ce nom. Troisièmement, tu devras affirmer le jugement, c'est-à-dire l'effet, l'action. L'effet et l'action. Par exemple, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Basir, le clairvoyant, celui qui voit tout. Tu entends ce nom, tu dois l'affirmer. Parce qu'il est dans le Coran et il est dans la Sunna. Tu l'affirmes. Naam. Deuxièmement, tu affirmes les attributs qui sont dans ce nom. Naam, comme Al-Basar. Comme Al-Basar. Tu affirmes l'attribut de la vue. l'attribut de la vue. Na'am. Et il en renferme plus. Troisièmement, tu affirmes l'action, l'effet, qu'ils appellent al-hukm, le jugement. Ay-yubsir. C'est-à-dire qu'Allah voit. Tu dois affirmer ces trois choses. Tu dois affirmer ces trois choses. Donc, in dallat ala wasf al-muta'addin, muta'addin ay tantaqil atharuha ila al-ghayb. Atharuhu ila al-ghayb. ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Donc on a compris que lorsque le nom d'Allah Azza wa Jal comprend un attribut dont les effets se répercutent sur autrui, on doit affirmer trois choses. Tu affirmes le nom, tu affirmes l'attribut et tu affirmes l'effet, l'action. Par contre, in dallat ala wasfin ghayr muta'addin tadammanat amrayn. Thubut dhalika al-ism lillah 'azza wa jal wa thubut as-sifati allati tadammanaha lillah 'azza wa jal. Dans le cas où l'attribut compris dans le nom n'a pas d'effet qui se répercute sur les créatures, dans ce cas-là, tu devras affirmer deux choses. Tu affirmes le nom et tu affirmes l'attribut compris dans le nom. Par exemple, Al-Hayy, le vivant. Tu affirmes le nom d'Allah, Al-Hayy. Et tu affirmes l'attribut d'Allah, Al-Haya. Al-Haya. Naam. D'autres exemples, Al-Hayy, qui fait référence à la pudeur. Al-Jalil. Et d'autres noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième règle, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhati wa sifati takunu bil mutabaqati wa tadammuni wa lidil iltizam. Al-qa'idatu al-khamisa, asma'ullahi ta'ala tawqifiyya, ay natawqafu fi ithbatiha على ما ورد في القرآن والسنة لا نتجاوز القرآن والسنة ما ثبت في القرآن أثبتناه وما ثبت في السنة أثبتناه وما لم يرد في القرآن ولا في السنة توقفنا وما ورد نفيه في القرآن نفيناه وما ورد في السنة نفيه نفينا هذه طريقة أهل السنة والجماعة. La règle numéro 5, les noms d'Allah, nous les affirmons selon ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. Les noms d'Allah sont tawqifiyya. Que signifie tawqifiyya? C'est-à-dire qu'on se restreint dans leur affirmation à ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, et on ne transgresse pas cela. Si on voit un nom dans le Coran, on l'affirme. Si on voit un nom dans la Sunna, on l'affirme. Non. Mais on ne peut affirmer de nous-mêmes pour Allah des noms. On doit se contenter de ce qui est venu dans les textes, dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna maqboula. On ne doit pas ajouter ni diminuer à cela, car la raison n'a pas la capacité à elle seule de savoir ce que mérite Allah comme perfection absolue au point de pouvoir lui attribuer des noms. Donc il nous incombe de nous arrêter à ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ وَلَا تَقُفُ أَيْلَا تَتَّبِعَ. Et ne suis pas ce dont tu n'as pas science. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dans Sourate Al-Isra, le verset 36, on nous interdit de suivre et de conjecturer ce sur quoi nous n'avons pas connaissance. Dans Sourate Al-A'raf, le verset 33, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه أكبر الكبائر. Dans Sourate Al-A'raf, on nous met en garde contre le fait de mentionner la religion d'Allah Azza wa Jal sans science, de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science, de dire sur Allah ce dont nous n'avons pas connaissance à travers les textes. Allah Azza wa Jal nous montre donc dans ce verset qu'il nous a été interdit de commettre le polythéisme, ce sur quoi il n'a pas révélé, ou bien révélé de science, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Dans ce verset, on nous a cité l'interdiction des péchés apparents, cachés, la transgression du polythéisme et de parler sur Allah sans science. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les savants nous disent que dans ce verset nous avons cité ici les versets dans un ordre croissant. Na'am, dans un ordre croissant. Donc, le dernier péché cité est le pire. Parler sur Allah sans science. Il a même été mentionné après le shirk du fait que la cause du shirk soit le fait de parler sur Allah sans science. La cause du shirk, parler sur Allah Azza wa Jal sans science. Na'am. Lorsqu'ils ont pris des intermédiaires entre eux et Allah dans le culte, dans le dua. Pourquoi? Car ils ont pensé qu'Allah n'allait pas leur faire miséricorde, si ce n'est en prenant des intercesseurs entre eux et Allah Azza wa Jal, qui allaient demander à Allah Azza wa Jal. Ils ont parlé sur Allah sans science. Ça les a fait tomber dans le shirk. Ils lui ont attribué ce dont Allah Azza wa Jal est innocent et pur. Tabaraka wa ta'ala. Puis l'auteur nous dit وَلِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُسَمَّ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ إِنْكَارَ مَا سَمَّ بِهِ نَفْسَهُ جِنَايَةٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى فَوَجَبَ سُلُوكَ الْأَدَبِ فِي ذَلِكَ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ النَّصِّ. ذكر مثل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Donc, ceci cas, le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des noms qu'il ne s'est pas lui-même attribué, ne s'est pas nommé avec ses noms, ou rejeter ce par quoi il s'est nommé lui-même, est un grand manque de respect envers le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous incombe donc d'emprunter le chemin du bon comportement dans ce sujet-là, qui consiste à se restreindre à ce qui nous est venu dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-qa'idatu sadisa. Donc le résumé de la cinquième règle est de savoir et de dire et d'avoir comme conviction que tout ce qui est venu dans les textes, on l'affirme et on ne dépasse pas cela. Et on ne peut de notre propre chef attribuer à Allah des noms, car cela ne relève pas de la raison. Le fils de Adam n'en a pas la capacité et Allah nous a interdit de transgresser dans ce domaine et de dire sur Allah ce que nous ne savons pas. Quant à la sixième règle, قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. Les noms d'Allah ne sont pas restreints à un chiffre précis. أي عندنا المخلوقين نعلمه لا لا يمكن لأحد من الناس أن يحصر أسماء الله سبحانه وتعالى ويجزم بعدد معين فإلا قد تكلم في غير بغير علم نعم وتجاوز الحد المشروع كما قرأنا في القاعدة الخامسة ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم وأن تقول على الله ما لا تعلم. Donc la sixième règle nous enseigne que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas restreints dans un chiffre précis que nous connaissons. On ne peut dire Allah a tant ou tant ou tant de noms. Personne ne connaît le nombre des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith rapporté, le hadith d'Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu, apporté par l'imam Ahmed et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en disant As'aluka bi kulli ismin huwa lak sambayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'lamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi 'indak. Le prophète alayhi salatu wa sallam invoquait Allah azza wa jalla et disait: je te demande par tous les noms que tu possèdes, ceux par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans l'un de tes livres, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as gardé secrètement dans la science de l'invisible auprès de toi. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Qu'il y a des noms qu'Allah Azza wa Jal a enseignés à ses messagers, a révélé dans ses livres, mais il y a des noms qu'il a gardé pour lui et qu'il n'a pas révélé à l'une de ses créatures ni mentionné dans l'un de ses livres. Dans l'un de ses livres, subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'Allah Azza wa Jal a gardé dans sa science de l'invisible, personne ne peut y avoir accès. Quant au... il y a également d'autres preuves qui viennent étayer cela et confirmer cela. Le hadith ou shafa'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il tombera prosterné et il invoquera Allah subhanahu wa ta'ala et il le louera par des éloges qu'il ne connaît pas encore. On lui enseignera. Et c'est connu que tu loues Allah avec ses noms et ses attributs. Donc il y a des noms et des attributs que le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui a dit à son sujet ana a'lamukum billah, je suis le plus savant au sujet d'Allah. Malgré ça, il y a certains noms et certains attributs qu'il ne connaît pas et qu'il ne connaîtra que yawm al-qiyam, lorsqu'Allah azza wa jalla lui permettra d'intercéder subhanahu wa ta'ala. Quant au hadith إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. Certes Allah a 99 noms sans moins un, celui qui les mémorise entrera au paradis. Ce hadith, certains pourraient penser qu'il est problématique devant cette règle, mais la bonne compréhension nous ôtera toute problématique. Dans ce hadith, il ne s'agit pas de déterminer et de restreindre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au nombre de 99. Aucunement. Ni c'est mentionné dans le texte, ni la langue arabe nous indique cela, ni son éloquence. وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْحَصْرُ لَكَانَتِ الْعِبَارَةُ إِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تِسْعَةً أَوْ تِسْعَةً تِسْعَةَ وَتِسْعُونَ أَسْمَانَ. Mais ici on nous dit إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ أَسْمَانَ. مَا شَأْنُ هَذِي الْأَسْمَى أَيْ مَنْ أَحْصَى هَذِهِ الْأَسْمَى دَخَلَ الْجَنَّةَ. أَيْ مِنْ شَأْنِ هَذِي الْأَسْمَى أَنَّ مَنْ أَحْصَاهَا أَيْ حَفِظَهَا وَأَدْرَكَ مَعَانِيَهَا وَتَعَبَّدَ لِلَّهِ بِمُقْتَضَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. هَذَا شَأْنُ هَذِي الْأَسْمَى. لَا أَنَّهَا بهذا العدد فحسب وليس لله غيرها. لا ليس هذا المعنى. Donc le sens voulu dans ce hadith n'est pas le fait de dénombrer les noms d'Allah Azza wa Jal, mais plutôt de nous informer d'une particularité de 99 noms parmi les noms d'Allah. Quelle est cette particularité? Celui qui les mémorise entrera au paradis. Man ahsaha, ça signifie précisément celui qui les mémorise, qui les dénombre, c'est 99, il peut les rester un par un, Deuxièmement, il comprend leur sens, il les étudie. Et troisièmement, il adore Allah Azza wa Jal en fonction de ses noms. Il le mentionne beaucoup parce qu'il est Sami'. Il va dans les endroits qu'il aime car il est Basir. Il ne va pas dans les endroits qu'il n'aime pas car il est Basir. Il se repent lorsqu'il pêche car il est Tawwab. Et ainsi de suite. Celui qui mémorise ces 99 noms et adore Allah Azza wa Jal avec, il entre au paradis. On ne nous a pas dit dans ce hadith, les noms d'Allah sont au nombre de 99. Celui qui les mémorise entre au paradis. Non. Mais on nous dit, Allah a 99 noms, celui qui les mémorise entre au paradis. C'est-à-dire que, parmi les noms d'Allah, il y en a 99 qui ont pour particularité que celui qui les mémorise entre au paradis. Voici le sens de ce hadith. Un exemple. Celui qui dit, je suis sorti avec 20 euros dans ma poche pour faire une sadaqa. Je suis sorti avec 20 euros dans ma poche pour faire une sadaqa. Est-ce qu'on va comprendre de sa parole que l'ensemble de ses richesses sont estimées à 20 euros? Non. Quelle est la particularité de ces 20 euros? C'est qu'il les a préparés pour faire une sadaqa. Alors que s'il avait dit, je ne possède que 20 euros. Là oui, il y a la restriction dans ce qu'il possède. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup de noms. Na'am, nombreux ont été cités dans Al-Qur'an et d'autres ont également été cités dans la Sunnah. C'est-à-dire qu'ils sont cités dans le Qur'an et la Sunnah. Et d'autres sont cités dans la Sunna. Naam. Et d'autres sont cités dans la Sunna. Il y a un hadith qui mentionne la partie du hadith authentique, mais il y a un ajout. C'est la mention des 99 noms. Ceci est vaif et n'est pas authentique. Min Tariq al-Walid ibn Muslim. Naam. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit ta'yinuha laysa min kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mentionner les 99 noms dans ce hadith ne fait pas partie de la parole du prophète sallam. Donc le sahabi a mentionné le hadith, probablement Abu Hurayra, si mes souvenirs sont bons. Ensuite les rapporteurs du hadith, chacun a tenté de chercher les noms et a mentionné et ont mentionné des noms, chacun selon son effort, chacun selon sa capacité. Mais au fur et à mesure du temps, certains ont pensé que cela faisait partie du hadith, alors que ça n'est pas le cas. Ibn Asim rahimahullah ta'ala du Coran a mentionné 81 noms. Il a cherché dans le Coran du début à la fin et il a mentionné 81 noms. Et il nous dit, même si j'émets une réserve sur le nom Al-Hafi dans le verset Nauka Nabi Hafiyyan, dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Naam. Du fait que Al-Hafi lam yuzkar mutlaqan wa asma'ullah azza wa jal mutlaqa bal dhukira muqayyada innahu kana bi hafiyya. Naam. Fa'ala hadha qala ba'du ahli al-ilm inna al-hafiyya laysa min asma'illah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa ma'na al-hafi ay awadani كلما ذكرته وطلبت منه شيء أن يعطيني إياه. Et le sens de Al-Hafi est qu'il m'a habitué à chaque fois que je lui demande de me donner. C'est un des sens mentionnés par le ulama. Et dans la Sunna, il en a cité d'autres, comme Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Madha. الحي الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن لين ديفيرجونس انت على افيرماسيون دون الله عز وجل المحسن المعتي المنان الوتر دونك ici il mentionne dix-huit de la sunna. Donc c'est l'effort d'Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala pour essayer de trouver lesquels sont les 99. Mais juste en cherchant dans le Coran et la Sunna, on voit qu'il y en a plus. Naam, il y en a plus de 99. Donc pour pouvoir affirmer un nom, il faut soit un verset, soit un hadith maqboul. Et cela, c'est sans compter les noms d'Allah Azza wa Jal qui sont annexés comme Malikul Muluk, comme Dhul Jalali wal Ikram, Khayrul Raziqin, Arhamur Rahimin, et ainsi de suite. On arrive à la dernière règle relative au nom d'Allah Azza wa Jal mentionné par le grand savant Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. القاعدة السابعة la règle numéro 7 الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع. La septième règle est une mise en garde contre الإلحاد الإلحاد في أسماء الله تعالى qui consiste à s'éloigner de nos devoirs envers les noms d'Allah Azza wa Jal pour s'égarer dans ce chapitre. Que signifie l'ilhat? C'est parler dans les noms d'Allah Azza wa Jal, non en conformité avec le Coran et la Sunna et la voix des compagnons. Donc tu ne vas pas t'acquitter de tes devoirs envers les noms d'Allah Azza wa Jal. Comment est-ce qu'on appelle cela? Al-ilhat fi asma'illah. Il y a plusieurs sortes. Il y a plusieurs sortes. Et cette qaïda, Ibn Qayyim l'a cité dans le Bada'i'a. Al-awwal an yunkira shay'an minha aw mimma dallat 'alayhi min as-sifat wal ahkam kama fa'ala ahlu at-ta'til min al-jahmiyyah wa ghayrihim. La première sorte de ilhat, rejeter une partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de ses attributs compris dans ces noms. Comme l'ont fait les négateurs, comme les Jahmiyyah et autres, comme Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira et d'autres min Ahlil Bida, ceux qui ont renié certains noms d'Allah Azza wa Jal, ou tous, ou les noms et les attributs, ou ont rejeté les noms et affirmé certains attributs. Naam. Donc rejeter un nom d'Allah, c'est du ilhat. Un ou plusieurs, ou rejeter un ou plusieurs attributs, c'est du ilhat. Car son obligation était d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé dans le Coran, ou lui a affirmé le prophète alayhi salam dans la Sunna. Troisièmement, dans cette forme de ilhad, le fait de rejeter al-athar. Donc il affirme le nom, il affirme l'attribut, mais il n'affirme pas l'effet sur les créatures. Il n'affirme pas al-athar, al-hukm. Tout cela est dû ilhad. Deuxièmement, ayaj'alaha dallatan ala sifatin tushabihu sifatil makhluqin. Et tumathilu sifatil makhluqin. Deuxièmement, comme forme de ilhad, affirmer les noms et les attributs d'Allah. Mais il exagère tellement dans l'affirmation qu'il en arrive à établir une similitude entre Allah jalla wa ala, le maître des mondes, et la créature. Donc il affirme les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, mais il dit que les attributs d'Allah sont comme les attributs des créatures. Allah voit, mais personne ne voit comme Allah. Sa vue est parfaite, complète. Lui, il dit Allah voit, la créature voit. Et la créature voit comme Allah voit. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ هَذَا كُفْرٌ بِاللَّهِ وَالشِّرْكٌ أَكْبَرٌ. Ça, c'est de la mécréance. Et c'est du polythéisme majeur. Et c'est un grand manque de respect envers le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est du ilhad. Il affirme les noms d'Allah. Mais tout en affirmant que les attributs sont semblables à ceux qu'ont les créatures. C'est du ilhad. C'est du ilhad. Car les textes du Coran et la Sunna nous montrent qu'on doit affirmer les noms d'Allah, mais dire que ses attributs sont différents des attributs de ses créatures. Comme Allah nous le dit dans le Coran, « Laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir. » Il n'y a rien qui lui soit semblable. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Allah nous enseigne que c'est Sami al-Basir, le clairvoyant, et Mada, l'audient et le clairvoyant. Mais celui qui nous enseigne et nous apprend à affirmer qu'il est Sami al-Basir est celui qui nous a enseigné aussi qu'il n'est pas semblable à ses créatures. Laysa kamithli shay. Il n'y a rien qui lui soit semblable. Donc personne ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala et nul ne saurait se rapprocher de sa perfection jalla wa ala. Donc ça aussi c'est du ilhad. Troisièmement, an yusamma Allahu ta'ala bima lam yusamma bi nafsa. Parmi les sortes de ilhad, le fait de nommer Allah par des noms qu'il ne s'est pas nommé lui-même. Appeler Allah d'une manière qu'il ne s'est pas appelé lui-même, comme ceux qui l'ont appelé le Père, ou le Saint-Esprit, ou le Trois, ou Mada, ou l'Illatul Fa'ila, et autres, ou bien Dieu, hein, ou bien Dieu. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal s'est appelé Dieu parmi ses noms? On ne trouve pas cela, ni dans le Coran, ni dans le Sunnah. Donc tu n'as pas le droit de le mentionner ainsi. Mais tu dois dire Allah. Naam. Tu dois dire Allah, ou bien Rahman, ou Rahim, ou Rabb, et ainsi de suite. Mais il ne t'est pas permis de l'appeler par un nom qu'il ne sait, par lequel il ne s'est pas nommé lui-même. Est-ce que ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna ne nous suffit pas pour mentionner Allah et le nommer? Subhanallah. Au point de notre propre chef chercher et attribuer des noms à Allah Azza wa Jal. Tout ce que tu pourras dire sur Allah Azza wa Jal ne sera qu'imperfection. Car la perfection absolue, il la possède et il nous l'a enseigné à travers les livres et les messagers. Et on a vu que ça c'est du ilhad, car ça contredit la cinquième règle, Asma'ullahi ta'ala tawqifiyya. Tu n'as pas le droit de dépasser ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. La quatrième forme de ilhad, an yushtaqqa min asma'ihi ta'ala asma'an lil asnam. Le fait de tirer des noms d'Allah, des noms pour les divinités qui vont être adorées en dehors d'Allah. Comme on fait kuffar Quraysh avec Al-Lat, Al-Uzza, Mana et d'autres. Ils ont pris des noms d'Allah Azza wa Jal, par exemple Al-Aziz. Il y a la notion de puissance. Et ils ont pris le nom pour une divinité qu'ils ont adorée en dehors d'Allah, Azza wa Jal, Al-Uzza. C'est pour cela qu'à la bataille de Uhud, Naam, Abu Sufyan, radiallahu anhu, avant sa conversion à l'islam, à la fin de la bataille, a dit U'lu Hubal. Soit élevé au Hubal. Hubal, c'est des divinités chez les associateurs du temps du prophète, alayhi salam. Et il a dit, Lana l'Uzza wa la Uzza lakum. Nous avons l'Uzza et vous n'avez pas l'Uzza. Et c'était une de leurs plus grandes divinités, ce n'est la plus grande. Et d'elle, il cherchait la force, ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné à Abu Bakr Omar de répondre. Car, at-tawhid ya'lu wa la yu'la alayhi. Abadan. Parce que le tawhid et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala prend toujours le dessus. Et rien ne peut être au-dessus de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quels que soient les complots, quels que soient les millions dépensés pour obstruer le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, le chemin qui mène à son agrément et le chemin du tawhid, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala sera toujours la plus élevée. Wa kalimatullah yal ulia. Ne vois-tu pas une personne qui rechercherait de l'aide dans le monde entier pour cacher la lumière du soleil et sa beauté? Pensez-vous qu'un jour il réussira? Ou non? Abadan, jamais. Sahulala. Et kalimatullah, c'est akbar. C'est plus grand que le soleil, plus beau que le soleil et plus élevé que toute chose. Non. Donc tu ne peux pas éteindre la lumière qui a été, avec laquelle a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada dinullah. Ça c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux tenter de la dénaturer. Tu peux tenter de la mentionner par d'autres noms, comme terroriste, extrémiste et autre chose. Tu peux tenter d'affilier à sa tête des gens égarés afin qu'on pense que l'islam est représenté par tel ignorant ou par tel égaré ou par tel extrémiste ou terroriste. Mais tu ne toucheras en rien à la splendeur de l'islam et sa beauté. Parce que l'islam est représenté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas par un tel ou un tel ou un tel sujet à l'erreur. Non, ça c'est un musulman et l'islam c'est une autre chose. Le musulman peut se tromper dans sa parole, ses agissements, ses actions, son comportement. Par contre, l'islam n'est pas sujet à l'erreur, car c'est la révélation du Seigneur des mondes. Wa innahu la tanzilu rabbil alamin. Nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin. Bi lisanin arabiyyin mubin. L'islam c'est le Coran. L'islam a été représenté, mis en pratique et transmis, expliqué par Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc qui veut montrer du doigt l'islam, qu'il montre du doigt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa croyance, sa ibadah, son comportement, sa da'wah. Et comme l'a dit Sofiane ibn Ayyana, إنه الميزان الأكبر عليه تعرض الأعمال والأقوال. La balance sur laquelle on pèse les bonnes paroles des mauvaises, les bonnes croyances des mauvaises, les bonnes actions des mauvaises, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas fulano allah. ولا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دين الله. Ça c'est la religion d'Allah. ودين الله باق. وما كان لله باق. Ça, c'est la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et personne ne pourra éteindre cette religion. Et ce qui est voué à Allah aussi, ça reste. Donc, si tu veux que des choses te restent, après ton décès, après le fait que tu quittes ce bas-monde, il te faut prendre ce dîn et t'y cramponner. Encore plus que celui qui est jeté au milieu de la mer et qui n'a qu'un bout de bois s'y accroche. Voyez-vous cette image? Il est dans la mer. Il n'a qu'un bout de bois. Et il s'y accroche de peur de se noyer et il invoque Allah. Tu t'accroches à la religion d'Allah Azza wa Jal alors que tu es assis tranquillement chez toi, encore plus que cet homme au milieu de la mer. Et si tu lâches ce din, halakt, si tu lâches ce din avec lequel nous est venu le prophète alayhi salatu wassalam, aqidatan wa ibadatan wa ilman wa samtan wa sulukan, halakt, la personne est vouée à la perdition. وَمَا أَعَزَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ. Et Allah Azza wa Jal ne nous a pas élevé si cela avec ce din. Les Arabes du temps du prophète alayhi salam avaient l'argent. Ils avaient des forces militaires. Ils avaient la renommée. Ils avaient les clés de l'Kaaba. Pourtant, ils étaient humiliés chez Fares wa Rum, n'est-ce pas, chez les grandes puissances de l'époque, les Romains, les Perses et autres. Mais lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec kalimatut tawhid, pas avec les armes ou autres, avec la ilaha illallah, une kalima qui, si elle est prononcée sincèrement avec ilm, elle transcende toute chose. Elle transcende toute chose. Une kalima qui a donné la vie à des cœurs qui étaient morts. Une parole qui a redonné la vue à des gens qui étaient aveugles. Une kalima qui a redonné lui à des gens qui étaient sourds. Kalima tout tawhid la ilaha illallah. Lorsqu'ils ont compris cette parole, parce que c'était des arabes, fusaha, comprenez la ilaha illallah. Ils ont compris que c'était le fait de se désavouer de l'adoration de tout autre que Allah et qu'il fallait unifier Allah de par l'ensemble des adorations avec le dua, avec le khawf, le raja, le mahabba, le sujoud, le salat, le zakat, le hajj, le rahba, le khashya, le nadhr, le dhabh. Lorsqu'ils ont compris cela et qu'ils sont restés apprendre leur dîn auprès du prophète alayhi wa sallam et qu'ils n'avaient qu'un but, élever la parole d'Allah azza wa jal, pas leur parole, pas leur personne. Non, mais juste que cette religion brille au-dessus de l'ensemble et que cette rahma, cette pitié, cette miséricorde se propage dans le monde, Allah Azza wa Jal leur a donné les clés des trésors des plus grandes puissances. Et Abu Sufyan et Khalid ibn Walid et d'autres sont entrés chez Rome et ont pris, chez Faris et ont pris, et ainsi de suite. Pas avec le nombre. Pas avec ça, avec kalimatut tawhid. Et aujourd'hui, ils sont nombreux, mais ils sont divisés et ils sont éloignés de l'islam haqiqi, de l'islam authentique, de la aqida de Ahl Sunnah, de ce prêche de Dawat Ahl Sunnah qui est basé sur le fait d'inviter, d'appeler, d'orienter les serviteurs à délaisser le culte d'autre qu'Allah et à adorer Allah uniquement. Et à suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam et à délaisser la voie des autres. Mais qu'est-ce qui est propagé au jour d'aujourd'hui dans beaucoup de pays musulmans? At-tasawuf. Va dans les pays et tu vois qu'il est propagé at-tasawuf. Ahlul bidah. Il propage le faux islam et qu'il faut prendre un shir entre toi et Allah azza wa jal et que tu restes assis et que tu dis 1000 fois subhanallah et 1000 fois kada, 1000 fois kada. Naam, et que tu restes dans tel endroit et tu évoques Allah des manières innovées d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois dans d'autres endroits, tu vois que c'est l'asha'ira. Ils disent qu'Allah azza wa jal n'a pas d'attribut d'action et ils rejettent des attributs d'Allah azza wa jal. Et ils disent qu'Allah n'a pas parlé à Moussa alayhi salam. Naam, ils rejettent des droits d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses noms, dans ses attributs. Voici ce qui est propagé dans beaucoup d'endroits. Il te faut, toi, rester cramponné à l'islam authentique. Et pour ce faire, il te faut étudier, apprendre ton dîn. Tu apprends la langue arabe, tu apprends le tawhid, tu apprends le sunnah, le Qur'an. Et tu restes accroché à ce dîn. Et entendre fitan. Lorsque les gens tentent de te faire lâcher prise, rappelle-toi sirata rasulik. Rappelle-toi la biographie de ton messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il a été éprouvé? Et rappelle-toi le hadith. Le dernier hadith al-Bukhari, ou plutôt, un des ahadiths du prophète alayhi salatu wassalam, pas le dernier de Al-Bukhari qui est Kalimatan. Bada al-Islam ghariba wa sayaud ghariba fatouba lil ghuraba. Rappelle-toi ce hadith. Idha ma da'uft. Lorsque tu faiblis, rappelle-toi ce hadith. L'islam a commencé étranger. Et il reviendra étranger. Bonne nouvelle aux étrangers. Au début, il y avait le prophète sallam, Abu Bakr. Il y avait le prophète sallam, Khadija. Il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd, Ali. Une minorité. Il a commencé étranger. On a dit, c'est quoi cette nouvelle religion? Et kada, et kada. Comment on dit aux gens, aujourd'hui, les gens de Ahl Sunnah? Ils sont venus avec un nouveau madhab, al-Wahhabiyya et d'autres, abatil, pour salir la splendeur du tawhid. Mais nul ne serait caché la lumière du soleil. Hayhat, hayhat. Yuriduna yutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurih. Mutimmu nurih. Ils veulent éteindre la lumière. Naam, la lumière d'Allah. Mais Allah Azza wa Jal va parachever cette lumière. Allah Azza wa Jal va parachever cette lumière. Les sahaba sont partis voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui ont dit: Ya Rasulallah, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana. Ne vas-tu pas demander le secours d'Allah pour nous? Ne vas-tu pas invoquer Allah pour nous? Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: Wallahi la yutimman Allah hadaddi. Wallah, Allah va compléter cette religion, parachever cette religion, jusqu'à ce que le cavalier ait la capacité de voyager de tel endroit à tel endroit, jusqu'à Sana'a ou autre, sans craindre personne, si ce n'est le loup, pour sa brebis, pour sa bête. Au kamaqala sallallahu alayhi wa sallam. Au jour d'aujourd'hui, l'islam s'est propagé. Au fin fond de la Russie, il y a l'islam. Au fin fond de l'Afrique, il y a l'islam. En Europe, il y a l'islam. Aux États-Unis, il y a l'islam. Et le Coran est récité partout. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et Allah n'a pas besoin de nous, ni de nos actions. Mais nous sommes dépendants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si toi tu n'adores pas Allah, il y a des millions de serviteurs qui l'adorent. Mais si Allah azza wa jal t'abandonne, personne en dehors d'Allah azza wa jal viendra te donner ce dont tu as besoin. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا أَجْمَعِينَ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَبِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَيُوَفِّقَنَا إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَيُحْسِنَ خَاتِمَتَنَا. Donc, le fait de prendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'en tirer un nom pour une idole qu'on va adorer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci est du ilhad. Kuffar Quraysh ont pris des noms d'Allah comme Al-Aziz et ils ont pris Al-Uzza. Ils ont pris Al-Uzza plus loin de rendre d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit en Coran: Allahu la ilaha illahu wa lahu l'asma'ul husna. Sans le waw. Allahu la ilaha illahu lahu l'asma'ul husna. Dans surat Taha: et lahu l'asma'ul husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi wa huwa al-aziz al-hakim. Dans Al-Hashr. Donc Allah Azza wa Jal a la particularité de posséder ces noms. Ils lui reviennent de droit. On ne doit donc pas en tirer d'autres pour les attribuer à des fausses divinités qu'on adorerait ensuite. Iyadan billah. Donc tout cela c'est du ilhad. Quel est le jugement du ilhad? C'est haram. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné de le délaisser. Il nous dit dans le Coran: وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans Surat Al-A'raf, le verset 180: et délaissez ceux qui commettent le ilhad dans ses noms. Ils seront rétribués selon ce qu'ils faisaient. De deux points de vue, on nous montre l'interdiction du ilhad. Le premier point de vue, l'interdiction. وَذَرُوا. On nous ordonne de délaisser les gens du ilhad. Et c'est ainsi que se comportent Ahlul ilmi wal adl, Ahlul insaf wal hikmah, avec les gens de la bid'a. Ils les délaissent. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i. Quelle que soit la personne qui fait du ilhad dans le nom d'Allah Azza wa Jalla, Allah t'ordonne de la délaisser, cette personne. Tu viens, tu lui expliques le haqq. S'il suit le haqq, alhamdulillah, fabiha wa ni'mat. Et dans le cas contraire, et c'est pareil pour les gens de l'innovation. Tu l'invites au haqq, tu l'invites à la sunnah, tu l'invites à la vérité, tu l'invites à la lumière, tu l'invites au Coran, tu l'invites à la sunnah, tu l'invites à la voix des sahaba. S'il répond, alhamdulillah, Allah a voulu son bien. Dans le cas contraire, tu t'éloignes de lui. Tu ne le fréquentes pas. Tu ne prends pas place avec lui. Tu n'apprends pas de lui. Tu n'assistes pas à ses cours s'il enseigne. Non. Car il a manqué de respect au prophète alayhi salatu wassalam. Car il a dénaturé la religion parfaite d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car il a donné naissance à des extrémismes du fait qu'il a laissé la voie authentique pour aller s'accrocher à une voie innovée et dénaturée. Donc, les gens de l'innovation, tu t'en éloignes. Les gens de l'innovation, tu ne prends pas d'eux. Les gens de l'innovation, tu t'en éloignes. Wallahu musta'an. Le deuxième point de vue qui nous montre l'interdiction du ilhad, c'est at-tahdid, c'est la menace. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Ceci renferme une menace. Ils seront rétribués selon ce qu'ils faisaient. Ça, c'est une menace. et l'annonce de la punition. Quant au jugement donc du ilhad, c'est haram, mais ça peut arriver au niveau du shirk et du kufr, comme ce fut le cas pour Kuffar Quraysh. Donc on regarde selon les textes du Coran et de la Sunna. Walhamdulillah, ladhi bi ni'mati tatimmu salihat. Ainsi nous avons fini les 7 premières règles relatives au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur continue et dit al-faslu thani, le deuxième chapitre, qawa'idu fi sifatillahi ta'ala, des règles relatives aux attributs d'Allah le Très-Haut. Et on laissera cela inshallah ta'ala pour une seconde assise. Wa billahi tawfiq wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa udhakkirukum bi amrin 'azim. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس عليه وهو الاعتناء بصيام التطوع في شهر شعبان الشهر الذي نحن فيه نعم وكان يصومه إلا قليلا كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وما صام من غيره أكثر أي من الشهور و ذكر لأسامة بن زيد رضي الله عنهما الحكمة من فعله فقال ذلك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان وترفع فيه الأعمال إلى الله إلى الرب وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour encourager les gens, ou plutôt Aïcha nous dit pour encourager les gens à jeûner ce mois-ci, le mois de Sha'ban, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait presque entièrement. Il jeûnait le mois de Sha'ban sauf un petit peu. Dans un autre hadith, dans une autre version, il le jeûnait entièrement. Certains parmi les plus prédécesseurs ont dit, les Arabes disent entièrement, kullu, s'il fait la plupart. S'il fait la plupart. Donc il jeûnait presque tout Sha'ban. Il jeûnait presque tout le mois de Sha'ban. À un point tel que celui qui le voyait pensait qu'il n'avait pas rompu un jour dans le mois de Sha'ban. Il a cité à Usama ibn Zayd la sagesse de cela en disant que le mois de Sha'ban, c'est un mois durant lequel les gens sont insouciants. Ils sont distraits de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, car il est entre Rajab et Ramadan. Rajab étant un mois sacré, Ramadan un mois reconnu pour ses mérites. Deuxièmement, il nous dit que c'est un mois durant lequel les actions sont élevées chez Allah. Et j'aime que mes actions soient élevées en étant en état de jeûne. En étant en état de jeûne. Naam. Donc, on s'encourage mutuellement à craindre Allah tabaraka wa ta'ala, à rester cramponné à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre vents et marées, et à rester fermement sur la voie de la da'wah du tawhid, où que ce soit, en tout temps, en tout endroit. Walhamdulillahi rabbil alameen. Chaque personne de Ahl Sunnah da'in ila tawhid. Chaque personne de Ahl Sunnah, il appelle au tawhid. Quelle que soit la catégorie, il y a les awam, il y a les gens de la masse de Ahl Sunnah, ils appellent au tawhid. Ils appellent au tawhid de manière générale et selon ceux qui savent. Selon ceux qui savent. Quand lorsqu'ils voient du shirk, ils disent hadha shirk, arrête cela. Ils voient des gens laisser des sorciers, ils disent c'est du shirk, arrête. Puis il y a tullab al-ilm, ils appellent au tawhid bil hujja wal burhan. Puis il y a les ulama, ils appellent au tawhid bil ta'lif et ainsi de suite. Bil ta'lif wa da'wa et ainsi de suite. Chaque fard de Ahl Sunnah, c'est un da'i ila tawhid. Naam. Si lui est malade, il a mal à la gorge, lui il parle. Si lui il est malade, il a mal à la gorge, lui il parle. Si lui il est en voyage, lui il parle. Kulluna du'at ila tawhid. Et la da'wa ila tawhid, elle ne s'interrompt pas jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide que ce soit la fin. Naam. Barakallahu fikum wa khatallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallillahumma wa barik ana bina Muhammadin wa alali wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. والحمد لله رب العالمين.